quelques kilomètres de la mer, le village médiéval de Saint-Paul-de-Vence, joyau de l'arrière-pays niçois, domine paisiblement le mouvement des collines méditerranéennes. Par la volonté de François Ier, la cité devint ville royale. Les maisons seigneuriales, les vieux parchemins, les trésors de l'église collégiale portent le témoignage de son passé prestigieux. Saint-Paul-de-Vence, village authentique, situé à quelques kilomètres de Nice et de Grasse, est l'un des hauts lieux du tourisme mondial. À peine a-t-on traversé les premiers remparts que l'on s'engage dans la rue principale, la rue Grande. L'une des toutes premières maisons abrite l'office du tourisme. Nicole Soubier nous accueille chaleureusement et nous parle de son village. Saint-Paul est situé sur un éperon rocheux. Il a une très belle situation géographique. Et au départ, donc, Saint-Paul, c'était une petite chapelle que l'on date entre le 8e et le 11e siècle, la chapelle Saint-Paul. Et donc, petit à petit, les personnes, par sécurité, se sont groupées autour de cette chapelle. Ensuite, il y a eu un château au 12e siècle. Et ensuite, pendant des siècles, Saint-Paul a défendu la frontière française, qui n'était pas la frontière que nous connaissons actuellement, puisque Saint-Paul était en guerre contre Nice, si l'on peut dire. Alors, à Saint-Paul-de-Vence, bien sûr, les artistes affluent. Et on aimerait savoir pourquoi. Y a-t-il un intérêt particulier pour eux de venir s'installer ici ? Eh bien, je pense que Saint-Paul est un endroit magique, avec une luminosité extraordinaire, une belle vue, puisqu'il est donc élevé et la vue est bien dégagée. Et donc, les artistes sont toujours venus à Saint-Paul pour trouver de quoi peindre, inspirés par le lieu. Il y a beaucoup d'artistes donc qui vivent à Saint-Paul tout au long de l'année. Il y a beaucoup de galeries, à peu près une cinquantaine, des ateliers d'artistes et également certains ont le courage encore de peindre devant les nombreux touristes qui viennent chaque année acheter de l'art à Saint-Paul, parce que c'est vraiment le village de l'art. Marc Chagall a vécu à Saint-Paul, est enterré à Saint-Paul. Il y a actuellement Théo Tobias, qui est un grand peintre d'art moderne, qui vit également à Saint-Paul. Pour ce qui est du monde du cinéma, Michel Bougenat, qui est un acteur français, et Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombal ont également une résidence à Saint-Paul. Toute l'année, des milliers de touristes du monde entier parcourent les ruelles de ce si charmant petit village provençal, se promènent sur les remparts et admirent l'atmosphère si paisible de ces collines du pays niçois. 11 hôtels, 17 restaurants, 15 appartements meublés à louer, d'innombrables galeries et ateliers d'art. Il n'est donc pas étonnant que ce merveilleux site attire autant de monde. On vient même de très loin pour s'y marier. Mais est-ce pour l'église et la chapelle si typique et romantique ou bien pour le repas de noces au célèbre restaurant La Colombe d'Or ? Bien, je pense que c'est pour les deux. Il est vrai que La Colombe d'Or est un endroit privilégié où les artistes sont bien accueillis, on sait préserver leur intimité, mais également parce que Saint-Paul est un endroit magique, comme je vous le disais, et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de venir s'égarer dans ces ruelles. Et puisque l'on vient d'évoquer le restaurant La Colombe d'Or, descendons près du lavoir et allons découvrir cet endroit merveilleux où l'épouse du directeur de l'établissement nous attend. Danielle Roux est également artiste peintre. Elle nous précise d'emblée qui elle est. Je suis la belle-fille, c'est-à-dire que j'ai mon mari François Roux, qui est le petit-fils du fondateur de la maison qui s'appelait Paul Roux, et qui a eu un fils Francis Roux, qui est mon beau-père, qui est donc propriétaire de La Colombe d'Or. Et mon mari en est maintenant le directeur. Donc c'est l'histoire d'une famille, La Colombe d'Or. Absolument, c'est une histoire de famille depuis le début, bien avant la guerre d'ailleurs, et qui s'est développée depuis. Connue dans le monde entier, l'auberge de La Colombe d'Or est un lieu privilégié qui associe l'art de vivre en Provence à une étonnante collection particulière d'art moderne. Mais d'où vient donc cet esprit qui hante les murs de la bâtisse et ses jardins-terrasses ? Tout vient de la famille. C'est-à-dire que le grand-père, c'était un petit endroit qui s'appelait Robinson, qui n'avait qu'une terrasse et qui n'était qu'un petit restaurant, et qu'il a connu à l'époque des peintres comme Picasso, comme Chagall, comme ceux qui vivaient un peu sur la Côte d'Azur, et qui les a invités à sa table. Mais comment a-t-il réussi à les attirer ici à Saint-Paul ? Il les a attirés par son côté, je pense, très, très diplomate, intelligent, paysan. Il avait tout ce mélange de qualités qui attire. En plus, il avait un goût personnel, un goût de décorateur, puisque c'est lui qui a totalement créé cette maison. Il a cherché les pierres d'Aix-en-Provence, une abbaye, pour habiller l'extérieur de la maison. Il a développé petit à petit cet endroit par son instinct. Au fil des décennies, la famille Roux a su garder le secret de cet art de vivre inégalé. Elle a vu son destin mêlé à des êtres d'exception, tels que Yves Montand et Simone Signoret, Jacques Prévert, Jean Gabin, Jean-Louis Godard, François Truffaut, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, Marlène Dietrich, César, Picasso et tant d'autres artistes de l'art moderne. À la Colombe d'Or, on ne parle pas des célébrités qui viennent y retrouver la douceur tranquille de Saint-Paul. On préserve leur intimité, pas plus qu'on ne parle des autres. On se contente de rester dans les généralités pour évoquer la clientèle. Il y a des gens attirés par l'art, il y a des gens attirés par le fait de venir ici, qui est un très beau site. Il y a des gens qui sont attirés par le fait d'être tranquille, d'être sécurisé, d'avoir la liberté de s'exprimer par eux-mêmes. Et donc, nous avons effectivement une clientèle internationale, des gens très connus, des gens moins connus, nous avons de tout, mais on les traite tous de la même façon. Je pense que c'était une des raisons pour lesquelles les gens sont attirés par cet endroit. À la Colombe d'Or, on sert une cuisine familiale simple, avec de très bonnes viandes et des poissons frais. L'une des spécialités de l'auberge est le fameux plateau de hors-d'œuvre et le non moins célèbre panier de crudités, agrémenté d'une terrine de pâté de grive. Dans les salles de restaurant, on déjeune ou on dîne sous des toiles dont les noms font rêver. Dans la salle, nous avons nous avons César, Armand, Jean-Charles Blais, qui est un jeune peintre. Nous avons, dans les jeunes, je parle, nous avons aussi un magnifique Miro, je pense, un Picasso, Léger. Tous ces gens sont passés par ici et ont aimé ces murs. Et César vous a fait don d'une sculpture assez extraordinaire à l'entrée de l'établissement dans le jardin. Le pouce, oui, qui contraste totalement avec la terrasse qui a été offert par César il y a une bonne quinzaine d'années. De l'autre côté de la Colombe d'Or, on trouve le jeu de boules de Saint-Paul-de-Vence où, chaque jour, les hommes de la commune s'adonnent à leur sport préféré, la pétanque. C'est là que Yves Montand venait régulièrement affronter les meilleurs tireurs ou pointeurs du village. Les plus anciens se contentent de regarder le jeu en buvant tranquillement à la terrasse du café voisin à Pastis et en bavardant en provençal. Tout est sympa et toute la Provence a parlé avec le provençal. Moi, je suis Saint-Paulois et toute la Provence ainsi que Saint-Paul, naturellement, parlait que le provençal. Et vous le parlez tous les jours, le provençal, et ici, sur le jeu de boules, on parle en provençal ? Oui, oui, moi, si je rencontre quelqu'un de mon âge, automatiquement, je lui parle provençal. Qui voulait-ce que vous dites ? Qu'un qu'il fait bien, qu'il le soleil au scout, et que les Indiens sont contents de visiter à Saint-Paul, comme à tout le jour. Un peu à l'extérieur du village de Saint-Paul-de-Vence se trouve la Fondation Mag. Située dans un exceptionnel cadre de verdure, elle est un exemple unique de fondation privée en Europe. Son ensemble architectural a été spécialement conçu pour présenter l'art moderne et contemporain sous toutes ses formes. La fondation possède une importante collection de peintures, sculptures, céramiques, dessins et œuvres graphiques du XXe siècle. Jean-Louis Prat, directeur de l'endroit, nous parle des époux Mag qui sont à l'origine de cette fondation hors du commun. Marguerite Aimée Mag était des marchands de tableaux, éditeurs d'art avant tout, qui ont rencontré, je dois dire, la passion de l'art de leur époque, de la vie au quotidien, et qui ont transformé cela avec l'aide des artistes, avant la guerre de 1939, en ouvrant une petite galerie à Cannes. Monsieur Mag était d'un milieu très modeste, puisqu'il était pupille de la nation, donc sans fortune, et il a épousé une canoise. Et après avoir fait des études, après avoir suivi sa mère, son père étant mort à la guerre dans le Gard, et avoir fait des études à Nîmes aux Beaux-Arts, il est venu pour ouvrir cette petite galerie à Cannes où il a vendu quelques artistes locaux. Et puis il a très vite compris que l'art, ça n'était pas uniquement ça. Il a rencontré Bonnard. Bonnard lui a fait rencontrer Matisse Braque, voilà. Les uns et les autres à la suite, Miro, Chagall. Et je dois dire qu'il est devenu le plus grand marchand au monde d'art moderne. La galerie Mag a été la plus grande galerie d'art moderne au monde, avec tous ces artistes dont je viens de vous citer quelques noms, sous contrat. La galerie s'est déplacée de Cannes, où elle était toute petite, pour venir à Paris et connaître une montée en puissance avec une galerie en Suisse, une galerie aux États-Unis, une galerie en Espagne. Et puis l'idée est venue à Aimé Mag entre-temps de faire partager finalement le bonheur qu'il avait avec les créateurs de son temps, en se disant que c'était un moyen comme un autre d'assouvir sa passion et de la faire mieux connaître. D'où l'idée de la fondation, qui est née à la suite aussi d'une rencontre avec Miro et de son atelier, de l'architecte José-Louis Certes. Et de cette réunion est née cette fondation dans ce lieu, avec ce bâtiment, qui n'est plus au bâtiment maintenant du XXe siècle, et puis une collection qui a été donnée par Aimé et Marguerite Mag à la fondation et qui en a fait une des grandes collections d'art moderne en Europe. Mais c'est vrai que l'élément qui a déclenché tout cela, c'est vrai aussi qu'à un moment de leur vie, ils ont perdu un fils. Et ils ont eu le sentiment que le fait de faire connaître des artistes à travers leur galerie n'était pas suffisant. Et que, bien entendu, pour faire partager, ben, je dirais, ce qui leur restait de ce qu'ils aimaient, finalement, ils avaient eu cette idée de la fondation. Mais la fondation est née, de, je dois dire, avant tout de leur métier, bien sûr, puisque ça leur a permis de faire ça. Et, hélas, je dirais, de la perte d'un enfant, ce qui est évidemment irréparable. Installer une fondation dans les collines de l'arrière-pays provençal tenait plutôt du pari un peu fou. Et pourtant, les époux Mag ont réalisé leur vœu. Il y avait un tel enthousiasme chez eux, une telle fougue, qu'ils ont réussi à convaincre également André Malraux, qui était ministre de la Culture à l'époque, et qui a aidé à ce que la fondation soit édifiée du point de vue juridique, la reconnaissance d'utilité publique par le Conseil d'État, que tout le monde a contribué à cela. Mais je dirais, évidemment, s'il n'y avait pas eu l'argent et la collection d'Aimé et Marguerite Mag, la fondation n'aurait pas vu le jour. Donc il a fallu beaucoup de générosité, beaucoup d'enthousiasme et je dirais probablement une sorte d'utopie et de rêve comme ça étonnant qui se sont conjugués pour permettre l'édification de ce bâtiment et de cette collection. C'était la première fois qu'on bâtissait un musée d'art moderne, donc la première fois qu'il y avait une architecture moderne. L'État ne l'avait pas encore fait. Le musée d'art moderne était dans les Limbes, à Paris, dans le bâtiment avenue du président Roosevelt. Il n'y avait rien, c'était le premier bâtiment, et en plus, ce n'était pas un bâtiment construit dans une ville, c'est un bâtiment construit à la campagne, ce qui paraissait totalement invraisemblable, parce que Saint-Paul, dans les années 60, ce n'était pas Saint-Paul de la fin de l'an 2000. En l'an 2000, c'était tout simplement quand même un petit village où il y avait certes des artistes qui venaient, mais c'était, je dirais, un microcosme, et il n'y avait très peu, il n'y a pas de tourisme à l'époque. Jean-Louis Prat nous propose maintenant une rapide visite de la Fondation Mag. Une rapide visite, c'est, vous savez, c'est un mur d'enceinte décoré par Talcoat. Ce sont des œuvres de Calder, de Paul Bury, de la Cour Giacometti. La Cour Giacometti qui est un des plus beaux endroits au monde pour voir l'œuvre de Giacometti, qui est un génie. Et il y a là les deux hommes qui marchent et les deux femmes debout, la tête de Diego, le frère d'Alberto, qui aurait pu correspondre à une commande faite par la famille Rockefeller pour la Chase Manhattan Bank, mais qui était tout simplement l'idée que Giacometti avait répondu à cela, puis s'est rendu compte très vite que ça n'allait pas. Donc il n'a pas voulu isoler ces hommes qui marchent dans l'univers chaotique de New York. Il a préféré l'implanter dans celui plus préservé de Saint-Paul. Il y a le grand bassin décoré par Braque, et puis il y a tout le labyrinthe de Miro, où Miro a repris la sculpture monumentale et a fait une dizaine de sculptures tout à fait étonnantes en pierre, en bronze, en marbre, en ciment, en céramique, et où il a, je dirais, énuméré comme ça tout l'alphabet des matériaux pour construire quelque chose d'étonnant et de ludique qui en fait là aussi un espace unique au monde pour connaître Miro. Et c'est quand même la plus belle collection au monde de sculptures de Joan Miró qui existe dans un musée. Combien y a-t-il ? Nous avons 150 œuvres de Miro. Et Giacometti ? Et Giacometti, je dirais une trentaine de sculptures. En conclusion de ce reportage, Champs-Élysées vous recommande vivement de faire un détour par Saint-Paul-de-Vence lors de votre prochaine visite dans le sud de la France. Croyez-moi, vous reviendrez enchanté.